بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أن ألتقي بإخواني من مدينة سارتروفيل، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وألتقي بكم في هذا المسجد لنتحدث عن ديننا الحنيف، وأن نتذاكر الآيات والأحاديث. اعلموا أيها الإخوة والأخوات أن الناس عموما محتاجون إلى مواعظ وإلى رقائق، لأن ذلك يجدد العبادة وينشط الإنسان فيها. وكان السلف رحمهم الله اعتنوا بهذا الجانب، أعني جانب المواعظ والرقائق. ومن صنف في السنة منهم إلا وذكر فيه بابا أو أبوابا في هذا الجانب، أعني جانب الرقائق. ومن السلف رحمهم الله من صنف كتابا مستقلا في هذا المجال. Donc je disais que je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de vous rencontrer dans cette mosquée. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce lieu et de nous accorder la sincérité dans toutes paroles et dans tous actes. Le sujet que l'on va traiter aujourd'hui, les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on va échanger, porteront sur al-raqa'iq, c'est-à-dire ce qui fait du bien au cœur, des exhortations dont les gens ont beaucoup besoin à notre époque. Et ce genre d'exhortation et ce genre de sujet, eh bien, revivifie dans le fin fond du musulman, revivifie son ardeur à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et lui redonne de la motivation. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait souvent ses compagnons radiyallahu anhum, en leur parlant du paradis, de l'enfer, de la tombe, en leur parlant des tourments du jour du jugement et des épreuves qui attendent chacun parmi nous. Et les salafs rahimahumullah, nos pieux prédécesseurs, ont eux aussi donné beaucoup d'importance à ce domaine dans la religion, qui est de parler des choses qui raffermissent les cœurs, qui adoucissent les cœurs. Et les salafs qui ont écrit des livres dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont consacré des chapitres entiers à ce domaine. Et certains même parmi eux ont écrit des ouvrages et ont consacré des ouvrages dans leur totalité à ce genre de domaine. والموضوع الذي سنتحدث فيه هو حول الخشوع في الصلاة. ومعنى الخشوع هو التذلل هو التذلل والتضرع لله سبحانه وتعالى. وهذا الخشوع في الحقيقة هو لب الصلاة وهو روحها. وإذا وقر هذا الخشوع في قلب المسلم يتلذذ بالصلاة ويتلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى، فمن أوتي هذا الخشوع فقد أوتي خيرا عظيما. Et le sujet que l'on va traiter de façon plus précise, c'est le recueillement, la concentration, le fait d'être humble dans sa prière. Car cette concentration et ce recueillement dans la prière est le secret de cette prière. C'est grâce à ce recueillement que le musulman savoure cette prière et qu'il apprécie son goût et son odeur et qu'il apprécie la saveur de cette prière. Et celui qui arrive à se recueillir dans sa prière et à y être concentré a reçu un don inestimable. Car grâce à cela, il va enfin connaître, non pas de façon égale, mais ressentir une partie de ce que ressentaient les pieux prédécesseurs de cette communauté et à leur tête, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi وعلى آله وسلم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لأننا مع شديد الأسف في هذا الزمان انفضحت علينا الدنيا وانفتحنا للدنيا وغالبتنا الدنيا فقست قلوبنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والخشوع في ذاتي أو في ذات نفسه هو عبادة لله سبحانه وتعالى، يعني الخشوع بغض النظر عن الخشوع في الصلاة، الخشوع بحال مستقل هي عبادة لله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى أثنى على من أقام بهذه العبادة العظيمة، فالله جل وعلا لما ذكر قصص وأخبار الأنبياء والصالحين أو الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لما ذكر أخبارهم وقصتهم في سورة الأنبياء قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا لنا خاشعين أي متذللين خاضعين، لأنهم يعرفون قدر ربهم سبحانه وتعالى. Et le recueillement de façon plus générale, sans parler du recueillement dans la prière, mais le recueillement et le fait d'être humble et en soi-même une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, dans sourate les prophètes, lorsqu'il a cité l'histoire et les informations concernant ces prophètes et envoyés alayhim salam, Allah azza wa jal a dit: innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaba, ils nous invoquaient en espérant et en ayant peur, en espérant la récompense et le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en ayant peur et en redoutant son châtiment. Wa kanu lana khashi'in, et ils étaient humbles devant nous. Ils étaient humbles, c'est-à-dire qu'ils étaient modestes. Ils s'abaissaient devant leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, car ils connaissent la grandeur de leur Créateur عز وجل. وأثنى الله تبارك وتعالى على أهل العلم والعلماء الذين إذا قرأوا كتاب الله عز وجل خروا لله سجدا وبكيا. وهكذا العلماء هم أخشى الناس وأتقى الناس. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية غير الخشوع، فهناك فرق بين الخشوع وبين الخشية. فالخشية كما قرر أهل العلم هو الخوف المقارن بالعلم، فمن خاف بدون علم يقال له خائف، ومن خاف الله عز وجل وهو يعلم أن الله ربه وخالقه ورازقه ومحاسبه وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فإنه يقال أنه خشي ربه لأنه خافه بعلم. وهكذا العلماء، قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشون الله لأنهم أتقى الناس وأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، ولذلك لا بد من احترامهم ولا بد من توقيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه فالله عز وجل لما أثنى على أهل العلم بأنهم أيضا خاشعون، قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي قل يا محمد لمشرك قريش، قل لهم آمنوا به أي بهذا القرآن أو لا تؤمنوا، فالأمر سواء، فكفر الكافر لا يضر الله شيئا وإيمان المؤمن لا ينفع الله شيئا، فنحن فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هكذا أهل العلم. Et Allah عز وجل a fait l'éloge des gens de science et des savants dans son noble livre. Les savants qui, lorsqu'ils lisent le livre d'Allah, lorsqu'ils récitent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont touchés par cette lecture et par ces paroles qui vont droit au cœur, et ils pleurent en se prosternant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi sont les savants. Ce sont les gens les plus pieux, ce sont les personnes les plus savantes et celles qui connaissent le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont donc elles qui craignent le plus Allah azza wa jal. Et il y a une différence entre la crainte et la peur. La crainte, c'est une peur qui est accompagnée de science. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal a dit: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui craignent le plus leur Seigneur, ce sont les savants. Ils craignent, ils ont peur d'Allah, car ils connaissent Allah Azza wa Jal. Ils connaissent leur Créateur, ils connaissent leur pourvoyeur, ils connaissent celui qui les jugera, ils connaissent celui qui a la possibilité de châtier et celui qui est doté d'une immense miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Pour cela que les savants doivent être respectés, nous devons nous comporter avec nos savants de la meilleure des façons et leur donner le plus grand des respects. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne fait pas partie de nous celui qui n'est pas miséricordieux envers nos petits et qui n'est pas respectueux envers nos grands et qui ne donne pas aux savants leur juste valeur et Allah azza wa jal a dit en parlant à son prophète alayhi salatu wassalam: dis, croyez en lui ou ne croyez pas. C'est-à-dire, dis au Muhammad, au polythéiste de la Mecque, que vous croyez au Coran ou que vous n'y croyez pas, cela est égal. C'est-à-dire que la mécréance du mécréant ne fait aucun mal à Allah Azza wa Jal. Et la foi du croyant n'apporte rien à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est nous qui sommes dans le besoin, ce sont nous qui sommes pauvres, et Allah Azza wa Jal est le plus riche des riches. Dis, croyez en lui ou ne croyez pas, ceux qui ont à qui nous avons accordé la science, lorsque ce Coran est lu, eh bien, ils tombent sur les mentons en se prosternant. Ils tombent sur leurs mentons en se prosternant. Et ici, sur la parole, les mentons, al-adqan, qui est la partie inférieure du visage, comme l'ont expliqué les exégètes du Coran. Et certains ont dit que Allah Azza wa Jalla a cité le menton en voulant dire le visage, comme cela est connu chez les Arabes. Lorsque l'on parle d'une partie du visage, on veut dire la totalité de celui-ci. Et d'autres savants, comme l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans son tafsir, a cité une parole de l'Hassan, radiyallahu anhu, dans lequel il dit que les mentons ici, ce qui est voulu, ce sont les barbes. C'est-à-dire que lorsqu'ils se prosternent, eh bien leurs barbes touchent le sol. Et il dit, c'est-à-dire ces savants, comme a dit Allah Azza wa Jal, ils disent « Gloire à notre Seigneur ». Et la promesse de notre Seigneur sera accomplie. Ils se prosternent en pleurant, et cela fait accroître leur recueillement. Cela fait accroître leur recueillement et leur modestie et le fait qu'ils soient humbles. كيف لا وهذا القرآن الذي يتلونه وصفه الله تبارك وتعالى بأنه أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. فهذه هي منزلة الخشوع في الإسلام وفي شرع الله عز وجل بصفة عامة، ومن اتصف بها أي بهذه الخصلة فإنه قد تشابه أو شابه الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإن أكبر موطن للخشوع هو في الصلاة، لذلك يقرنون أي السلف رحمهم الله يقرنون الخشوع بالصلاة، فإذا ذكروا الخشوع ذكروا بعده الصلاة، لأن هذه الصلاة تشتمل على عبادات كثيرة، فالذي يصلي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقرأ ما تيسر له من القرآن، وكذلك يذكر أوراد وأذكار شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يستدعي الخشوع في الصلاة. C'est donc le statut d'être humble en islam de façon générale. Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ceux qui sont humbles devant lui Azza wa Jal. Il y a le fait de se recueillir et d'être humble pendant sa prière. Et les salafs, les plus prédécesseurs, lorsqu'ils parlent du recueillement et lorsqu'ils parlent du fait d'être humble, ils citent beaucoup ou ils associent beaucoup cela à la prière. Car la prière est une adoration qui comporte en elle-même de nombreuses adorations. Tout d'abord, celui qui prie, il se positionne devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il récite les versets, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il prononce également les rappels et les invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça, et tout ceci crée et apporte du recueillement dans cette prière. والله تبارك وتعالى أثنى على عباده المفلحين ووصفهم بصفات عظيمة جليلة وأول صفة وصفهم الله تبارك وتعالى بها صفة الخشوع في الصلاة فالله تبارك وتعالى في أول سورة المؤمنون قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أول شيء وصفهم به عز وجل هو الخشوع في الصلاة إلى أن ذكر الله عز وجل الأوصاف الأخرى وقال عز وجل أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هم فيها خالدون فبين الله عز وجل الخشوع في الصلاة وبدأ به إذانا بأهميته وإعلانا لكبير شأنه وعظيم أجره عند الله سبحانه وتعالى ومن صلى خاشعا لله سبحانه وتعالى فإن صلاته تكون نور تكون له نورا في حياته ونورا في قبره ونورا عند الصراط ونورا يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصلاة بأنها نور كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء فوصف عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة بأنها نور أي الصلاة التي يخشع فيها المسلم يا الله سبحانه وتعالى a cité les caractéristiques de ses serviteurs qui connaîtront la réussite. Et ceci dans Sourate Al-Mu'minun, Sourate les croyants, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a commencé en décrivant les caractéristiques des croyants. Il dit Azza wa Jal, ils connaîtront la réussite, ou les croyants connaîtront la réussite. Puis Allah Azza wa Jalla a cité des caractéristiques de ces croyants qui triompheront. Il a dit ceux qui sont dans leur prière humble, ceux qui sont humbles dans leur prière. Allah Azza wa Jalla a commencé par cette description pour appeler l'ensemble des musulmans au fait que de se recueillir dans sa prière est quelque chose de grand chez Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose d'important, et c'est une adoration qui est grandement récompensée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal a terminé, ou lorsqu'il a décrit l'ensemble des caractéristiques, il a dit subhanahu wa ta'ala, ce sont eux les héritiers, ceux qui hériteront du firdaus, qui est le plus haut degré du paradis, dans lequel ils y resteront éternellement. Et celui qui prie en étant humble dans sa prière, avec recueillement et humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette prière sera pour lui une lumière. Elle sera pour lui une lumière dans cette vie d'ici-bas. Elle sera une lumière pour lui dans sa tombe. Elle sera une lumière pour lui lorsqu'il traversera le pont qui sera positionné au-dessus de l'enfer, et ce sera également une lumière pour lui le jour du jugement, le jour où ni les biens ni l'argent ne profiteront à qui que ce soit. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Abi Malik al-Ash'ari rapporté par Muslim dans son sahih, a considéré la prière comme étant une lumière, c'est-à-dire la prière dans laquelle le musulman est humble et s'humilier devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. والخشوع في الصلاة أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الخشوع في الصلاة قسمان, منه ما هو واجب بل اعتبره بعض أهل العلم بأنه مبطل للصلاة بعدمه, أن الصلاة تبطل بعدمه. فأما الخشوع الواجب والذي لا تصح الصلاة إلا به فهو خشوع الجوارح, فهو خشوع الجوارح. والدليل على هذا حديث رواه البخاري ومسلم, وهو حديث معروف عند العلماء بحديث المسيء صلاته, حديث المسيء صلاته. وهذا الخشوع, خشوع الجوارح, يعبر عنه فقهاء الإسلام بالطمأنينة. لذلك كثيرا ما تسمعون أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة, فمن لم يطمئن في صلاته وصلى صلاة الغراب وصلاة الديك وصلاة القرد والكلب فإن هذا والعياذ بالله قد يعني يذهب بالإنسان إلى أن تبطل صلاته. وحديث المسيء صلاته كما قلت في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه الصلاة والسلام السلام, فذهب الرجل يصلي فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه, فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فأعاد صلاته, ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام سلامه, فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع مرة ثالثة فصلى وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ورد عليه السلام, فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة, فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, فإن فعلت ذلك فقد أتمت ركعة, وافعل ذلك أو افعل كذلك في صلاتك كلها, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل علماء الإسلام جعلوا الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها وواجب من واجباتها. Et sachez que le recueillement et le fait d'être humble dans sa prière se divisent en deux. Il y a le recueillement obligatoire qui fait même partie chez beaucoup de savants, qui fait partie des piliers de la prière, et il y a le recueillement surérogatoire, préférable, recommandé. Quant au recueillement obligatoire, c'est le recueillement des membres du corps. C'est ce que les savants appellent at-tumanina, le fait d'être serein dans sa prière et d'accomplir chaque geste de la prière comme il se doit, et de donner à chacun des mouvements ou à chacune des positions de la prière les droits qui sont les siens. Et la preuve est le hadith de cet homme qui a mal accompli sa prière. Il est connu chez les savants comme étant le hadith de l'homme qui a mal accompli sa prière. C'est un homme qui est rentré, qui a prié dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il est parti saluer le prophète alayhi salatu wa sallam, qui a répondu à son salam, et il lui a dit alayhi salatu wa sallam, retourne prier car tu n'étais pas en train de prier. L'homme est retourné, il a refait sa prière, est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a salué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à son salut, et il lui a dit, retourne prier car tu n'étais pas en train de prier. Il est retourné une troisième fois, a recommencé sa prière, il est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a salué, et le prophète alayhi sallatu wa sallam a répondu à son salam, et lui a dit, retourne prier car tu n'étais pas en train de prier. Et cet homme a dit, ô envoyé d'Allah, je jure par Allah que je ne sais pas faire la prière autrement. Enseigne-moi, apprends-moi comment la faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors enseigné comment faire sa prière. Et lui a dit, alayhi sallatu wa sallam, lorsque tu as l'intention de faire ta prière, fais d'abord tes ablutions, puis positionne-toi en direction de la Qibla, puis fais le takbir, c'est-à-dire takbiratul ihram, puis lis ce que tu connais du Coran, puis incline-toi jusqu'à être apaisé, puis relève-toi jusqu'à être apaisé, puis prosterne-toi jusqu'à être apaisé, puis relève-toi jusqu'à être apaisé, puis prosterne-toi jusqu'à être apaisé. En faisant cela, tu auras accompli une raka'at, une unité de prière, et fais cela ou fais dans ta prière comme cette raka'at, comme cette unité de prière. Et les savants ont déduit énormément de jugements dans ce hadith de l'Mousi Salata, entre autres que les ablutions sont des conditions pour la validité de la prière, de même que le fait de se diriger en direction de la Qibla, et que le premier takbir, takbiratul ihram, est un pilier de la prière, que de lire le Coran, et en particulier Al-Fatiha, est un pilier de la prière, que de s'incliner jusqu'à être apaisé, jusqu'à ce que chaque os reprenne son positionnement, jusqu'à être tranquille, et donner à cette posture les droits qu'elle a, et de faire de même en se relevant, en se prosternant et en se relevant de sa prosternation. Ils ont déduit que le fait d'être serein, d'être apaisé dans sa prière, est un pilier pour celle-ci, car le professeur Hassellem a dit à cet homme, retourne prier car tu n'étais pas en train de prier. Et les savants ont aussi déduit de ce hadith, entre autres ils ont déduit beaucoup de choses, mais je vous en cite certaines à titre d'exemple, que dans ce hadith il y a la preuve que lorsque tu te sépares de ton frère un court instant ou dans un lieu qui est restreint, eh bien il est légiféré lorsque tu le rencontres à nouveau de le saluer, car cet homme est rentré dans la mosquée du professeur Hassellem, a prié dans la mosquée du professeur Hassellem, et à chaque fois qu'il allait voir le prophète alayhi salatu wassalam, il le saluait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à chaque fois à son salut. وَأَمَّا الْخُشُوعُ الثَّانِي فَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي مُسْتَحَبْ هُوَ خُشُوعُ الْقَلْبِ وَمَعْنَى خُشُوعُ الْقَلْبِ كَمَا قُلْتْ خُضُوعُهُ وَحُضُورُهُ وَتَدَبُّرُهُ فِيمَا يُلْقِي أَوْ فِيمَا يُلْقَى عَلَيْهِ مِنْ آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك خشوع القلب تأمله وتذكره فيما يقرأ وفيما يقول من الأذكار الواردة في السنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول بأنه مستحب لا يعني أبداً التقليل من شأنه لا يعني كون أن خشوع القلب مستحب أننا نتهاون فيه أو لا نلقي أو لا نعطي له أهمية وعلماء الإسلام أجمعوا على أن ثواب الصلاة لازم لهذا الخشوع كما قال عبد الله بن عباس ما لك من صلاتك إلا ما عقلت ما لك من صلاتك إلا ما عقلت فكلما عقلت في صلاتك وتدبرت وخشعت كلما كان ثواب هذه الصلاة كبيرا وعظيما. إليا second recueillement qui lui est préférable et recommandé, qui est bien sûr le recueillement du cœur, c'est-à-dire la présence du cœur, l'humilité de ce cœur, le fait que ce cœur résonne et réfléchisse à ce que prononce la langue comme verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou comme invocation ou rappel que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de considérer ce recueillement comme étant préférable et recommandé ne veut en aucun cas dire qu'il ne faut pas lui donner de l'importance et qu'il est autorisé de le négliger. Non, et les savants de l'islam sont unanimes sur le fait que la récompense de ta prière est proportionnelle et est en relation avec la concentration et le recueillement que tu auras eu durant celle-ci. Pour cela qu'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: tu n'auras de ta prière que ce que tu as raisonné, c'est-à-dire les moments dans lesquels tu étais présent dans ta prière, dans lesquels ton cœur était présent, ton esprit était présent, les moments dans lesquels tu as lu les versets d'Allah en essayant de les méditer, de les comprendre, etc., etc. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ حَالَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُشُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ وَجَدْنَاهَا أَتَمَّ حَالَهُ أَكْمَلَ حَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وبفضل الله فإن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام نقلوا إلينا أخبارا وصورا من خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فهذا عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأزيز كأزيز المرجل أي حال القدر، إذا ألقي أو إذا وجد على النار فإنه يغلى ويخرج له صوت، فهكذا فهذا الصوت يشابه هذا الصوت الذي كان يخرج من جوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. وهذا من كمال خشوعه صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الخاشعين. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخاشعين، ولذلك كان يتلذذ بالصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان إذا حان وقت الصلاة قال لبلال: أرحنا بها يا بلال، أي أذن حتى نصلي ونرتاح في هذه الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لأنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى قام بين يدي الله سبحانه وتعالى وأقبل إلى ربه وألقى هموم الدنيا وراء ظهره صلى الله عليه وسلم. Et lorsque l'on médite et lorsque l'on lit et l'on prend connaissance de la concentration et du recueillement du prophète alayhi salatu wassalam dans sa prière, eh bien l'on constatera que le prophète alayhi salatu wassalam était le maître des humbles, était celui qui connaissait la plus grande concentration dans sa prière sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et par la grâce d'Allah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont rapporté des récits et nous ont cité des exemples de recueillement du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa prière. Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu a dit: je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai trouvé en train de prier et j'entendais provenir de sa poitrine des bruits comme le bruit d'une marmite qui bouille, comme les bourdonnements ou les bouillonnements d'une marmite. Et ceci par ses pleurs, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ceci montre à quel point le prophète alayhi salatu wassalam était humble dans sa prière, et le prophète alayhi salatu wassalam était le plus modeste ou la plus modeste des créatures. Pour cela que lorsqu'il est rentré à la Mecque victorieux, l'année de la victoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas entré la tête haute, les épaules élevées, mais il est rentré sallallahu alayhi wa sallam sur sa chamelle en baissant la tête au point que sa tête touchait presque la selle de sa chamelle sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que cette victoire ne doit pas lui être attribuée, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a accordé cette victoire, et ainsi il se doit d'être humble et d'être reconnaissant envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le recueillement du prophète alayhi sallam dans sa prière était immense, pour cela qu'il disait à Bilal lorsque l'heure de la prière commençait: apaise-nous par celle-ci, ô Bilal, apaise-nous par celle-ci, ô Bilal, c'est-à-dire empresse-toi de faire l'appel à la prière afin que nous puissions entrer en prière et être apaisés pendant celle-ci. Et il disait aussi sallallahu alayhi wa sallam: et la prunelle de mes yeux se trouve dans la prière, la prunelle de mes yeux se trouve dans la prière. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il se positionnait devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et il jetait derrière lui toutes les préoccupations de cette vie d'ici-bas et se consacrait entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. هكذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو كما تعلمون خلاف ما عليه الناس اليوم وفي هذا الزمان فإن الناس في هذا الزمان جعلوا الصلاة أودية للتفكير وللوساوس وهذه الصلاة تثقل عليهم إلا من رحم الله والثقل والكسل في الصلاة صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. لا نقول أن الذي يجد كسلا أو كسول في صلاته أنه منافق، لا، وإنما شابه المنافقين في صفة من صفاتهم، كما قال الله عز وجل في وصف المنافقين: الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا يعني انصراف الناس عن الخشوع في الصلاة، هذا من أهم بل قد يكون من أكبر وسائل الشيطان لصرف الناس عن الصلاة لأن الذي لا يخشع في صلاته يجد ثقلا، وهذا الثقل قد يؤدي به والعياذ بالله إلى أن يترك هذه الصلاة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ويخبر أن الشيطان أنه إذا أذن فإن الشيطان يدبر وله ضراط، فإذا انتهى الأذان رجع، وهذا في صحيح مسلم، وإذا أقيمت الصلاة ذهب وأدبر، وإذا انتهت الإقامة رجع الشيطان وقال للمسلم: أذكر كذا أذكر كذا، ما لم يذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يذكر كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا انتقلنا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم نجد حالهم أيضا من أحسن الحالات ومن أكملها، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي يعدل إيمانه إيمان الأمة رضي الله عنه. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا أبا بكر إماما، ولو يبكي في صلاته لأن هذه فضيلة وهذه كما قلت هذا خير كبير وفضل عظيم يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء. Ainsi était la concentration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme vous le savez tous, n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous, sauf ceux à qui Allah azza wa jal a comblé de bienfaits d'être pieux et humbles dans leur prière. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens qui, lorsqu'ils prient, ressentent que cette prière est lourde et sont fainéants pendant leur prière, et ils ressemblent ainsi aux hypocrites. Ils ressemblent aux hypocrites dans une de leurs caractéristiques, et cela ne veut pas dire qu'ils sont des hypocrites, mais qu'ils ressemblent aux hypocrites dans des choses qui les caractérisent. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal lorsqu'il a parlé des hypocrites dans Sourate An-Nisa, lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils se lèvent en étant paresseux. Yura'un an-nas, c'est-à-dire qu'ils prient parce que les gens les regardent, et ils ne se rappellent dans la prière que très peu Allah. Ils ne se rappellent dans la prière que très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de détourner les gens du recueillement dans la prière fait partie des tactiques ou des moyens que le diable utilise pour dévier l'être humain, si ce n'est l'un des moyens les plus importants ou les plus grands qu'utilise le diable. Car en détournant le musulman de la concentration dans la prière et du recueillement dans la prière, eh bien celui-ci va, comme je l'ai dit, ressentir une lourdeur. Et cette lourdeur va faire en sorte qu'il sera paresseux dans cette prière. Et cette paresse va faire en sorte, petit à petit, qu'il délaisse un jour cette prière, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, que lorsque l'on appelle à la prière, le diable s'en va en lâchant des paix. Et lorsque l'appel à la prière est terminé, il revient. Puis, lorsque le deuxième appel, c'est-à-dire l'iqama, est prononcé, il s'en va. Et lorsque l'iqama est terminé, il revient et dit aux musulmans, rappelle-toi telle chose, rappelle-toi telle chose, des choses auxquelles ne pensaient pas ces musulmans. Et lorsque l'on parle de l'état des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leur recueillement dans la prière, eh bien nous constaterons aussi que leur recueillement était profond et que leur humilité était immense devant Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, dont la foi est équivalente à la foi de l'ensemble de cette communauté, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade, la maladie qui a précédé sa mort, il a dit aux gens, ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Aïcha radiallahu anha a dit, oh envoyé d'Allah, Abu Bakr est une personne sensible. S'il se met à l'endroit qui le tient, c'est-à-dire s'il préside la prière, les gens ne pourront pas entendre sa lecture à cause de ses pleurs. Le prophète alayhi salam a ordonné que ce soit Abu Bakr qui prie. Car une personne qui est humble comme lui ne court pas les rues, et celui qui est doté du recueillement dans la prière, comme je l'ai dit, il a acquis un don immense, et Allah Azza wa Jal comble de bienfaits qui il désire. Wa hada Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ala quwwatihi wa ala haybatihi wa ala صلابته رضي الله عنه إلى حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مكثت سنة أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه فلم أستطيع سنة وهو يتساءل في آية من كتاب الله ويريد أن يسأل عمر فلم يستطيع فمكث سنة وبعد سنة سأله رضي الله عنه وأنكر عليه عمر فعله هذا وقال له يعني إذا أشكل أو أشكلت عليك آية فاسأل ونجيبك بما علمنا الله سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه كانت له هيبة أو كان له هيبة وكان له قوة شديدة رضي الله عنه. وحكى عكرمة أن حجاما من أولئك الذين يعملون الحجامة أن حجاما قص عمر رضي الله عنه بحجامته فتنحنح عمر وكان رجلا مهيبا كما قلت فأحدث الحجام أي بال على ثوبه من خوفه لعمر ومن هيبته وقوته رضي الله عنه. ومع هذه القوة وهذه الصلابة فإنه كان خاشعا متذللا أمام الله سبحانه وتعالى في صلاته، حتى قال من حضر صلاته: سمعت لعمر رضي الله عنه نشيجا أي بكاء شديدا بين الصفوف وهو يقرأ سورة يوسف رضي الله تعالى عنه. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا توضأ أحمر وجهه، فإن قيل له لماذا هذا الإحمرار فيقول: هل تعلمون من سأقابل؟ سأقابل ملك الملوك سبحانه وتعالى. والناس يستحيون ويتذللون أمام الملوك ولا يتذللون ولا يخشون الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه qui était un homme puissant, un homme fort, un homme que redoutaient les gens par la force qu'il émanait. Au point qu'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a dit: j'avais une question ou une interrogation sur un verset du Coran et j'ai voulu poser la question à Omar radiallahu anhu. Je n'ai pas pu ceci pendant une année. Toute une année, il a essayé de poser cette question à Omar radiallahu anhu, mais il n'a pas pu. Car Omar dégageait une force et il était impressionnant radiallahu ta'ala anhu, au point que les gens avaient honte et avaient peur de lui parler ou de lui poser des questions. Et Ikrimah rapporte qu'un homme qui faisait al-hijama, c'est-à-dire la saignée, à Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui comme je l'ai dit était une personne extrêmement forte, il a toussé radiallahu anhu pendant cette saignée, et cet homme qui lui a fait cette saignée a été pris d'une peur qui l'a uriné sur lui-même. Il a été pris d'une peur qui l'a uriné sur lui-même. Et Omar radiallahu anhu, lorsque cette personne a terminé la saignée, lui a donné de l'argent pour cette saignée et lui a rajouté un plus pour le désagrément qu'il a pu lui causer. Et Ali radiallahu anhu, lorsqu'il faisait ses ablutions, son visage devenait tout rouge. Il était questionné sur cela, il disait: ne savez-vous pas qui je vais rencontrer? Je vais rencontrer le roi des rois, subhanahu wa ta'ala. Et les gens, lorsqu'ils sont en présence de personnalités, lorsqu'ils sont en présence des rois, des chefs d'État, etc., etc., ils sont humbles, ils sont humiliés, ils sont rabaissés. Mais devant Allah, subhanahu wa ta'ala, pour beaucoup de gens, ce n'est pas le cas. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وذكر منها عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي والحديث صححه الألباني رحمه الله: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ما لم يلتفت. وهذا الالتفات مناقض للخشوع ومضاد له، وهو كما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة، أي أن يلتفت الرجل يمينا وشمالا، وقد يلتفت إلى فوق، وهذا محرم في الإسلام أن تصلي وأن تنظر إلى السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنذر من فعل ذلك وقال: ألا تخشى أن يحول الله وجهك وجه حمار، أو أن يحول الله رأسك رأس حمار؟ هذا محرم في الإسلام. أما الالتفات يمينا وشمالا فهذا اختلاس، أي سرقة يسرقها الشيطان من صلاتك. والإنسان العاقل لا يرضى أن يسرق من ماله ولو يروا واحدا، فكيف يرضى أن يسرق أو أن يسرق عدوه الشيطان؟ فإنه عدونا كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف ترضى أن عدوك يسرق من صلاتك التي هي أغلى شيء عندك، وهي من أهم العبادات ومن أجل القربات؟ لخفت عليه الصلاة والسلام أدي الله عز وجل أغدني أيحيى بن زكريا cinq choses. Il a ordonné à Yahya ibn Zakariya de les mettre en pratique et d'ordonner aux fils d'Israël de les mettre en pratique. Et parmi ces cinq choses qu'a cité le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: et Allah vous ordonne la prière. Lorsque vous priez, ne regardez pas à droite ni à gauche. Ne bougez pas pendant votre prière, ne bougez pas votre tête, car Allah place son visage devant le visage de son serviteur à condition qu'il ne détourne pas son visage. À condition qu'il ne détourne pas son visage. Et ce détournement de visage, le fait de tourner à droite et à gauche et de regarder à droite et à gauche, est contradictoire avec le recueillement et l'humilité dans la prière. Et cela est considéré par le prophète alayhi salatu wassalam comme une partie de ta prière que t'a volé le diable. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim selon Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'il a été questionné sur le fait de tourner à droite et à gauche sa tête pendant la prière, il a dit: c'est une chose, ou c'est une partie de la prière que le diable a volé. C'est une partie que le diable a volé de la prière du serviteur. Et le fait de regarder au ciel et de lever sa tête est interdit pendant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: concernant celui qui lève sa tête, n'a-t-il pas peur qu'Allah transforme sa tête en la tête d'un âne? Une personne dotée de raison n'accepterait pas qu'une personne lui vole ne serait-ce qu'un seul euro. Comment peux-tu donc accepter que ton ennemi, que tu dois considérer ainsi, car Allah Azza wa Jalla a dit: le diable est pour vous un ennemi, considérez-le ainsi. Comment accepterais-tu ou acceptes-tu que le diable, qui est ton ennemi, te vole une chose qui fait partie des plus précieuses que tu as, à savoir la prière, qui est l'une des adorations les plus importantes et qui te rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala? والالتفات في الصلاة كذلك منهم ما هو مبطل للصلاة ومنهم ما هو محرم يرحمك الله ومنهم ما هو جائز ومباح. أما الالتفات المبطل للصلاة فهو أن يلتفت المسلم بجسمه كله بحيث ينحرف عن القبلة، فمن انحرف والتفت بجسمه كله وانحرف عن القبلة فقد بطلت صلاته. وهناك الالتفات المحرم وهو مكروه عند بعض أهل العلم، وهو كما قلت أن ينظر يمينا ويسارا. وأما الالتفات الجائز والمباح فهو الالتفات لحاجة ملحة، أي أن يلتفت الرجل المسلم في صلاته لضرورة أو لحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته أنه التفت بوجهه تجاه العدو، وهذا لحاجة ملحة. Et le fait de se détourner dans la prière, il y a le détournement qui annule la prière, il y a le détournement qui est interdit, voire détestable, et il y a le détournement autorisé. Quant au détournement qui annule la prière, c'est le fait de détourner son corps dans sa totalité, de telle sorte qu'il ne soit plus dirigé en direction de la Qibla. Ceci annule la prière. Et il y a le fait de regarder à droite et à gauche qui est interdit, comme je l'ai dit, et que certains savants considèrent comme étant détestable. Et il y a le fait de tourner son visage qui parfois peut être autorisé, et ceci lorsqu'il y a un besoin imminent. Lorsqu'il y a un besoin imminent ou un cas de force majeure, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant l'une de ses conquêtes, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant sa prière, a tourné son visage en direction de l'ennemi. وهذا أيها المسلمون وأيها الإخوة والأخوات بيان لمرض، وهو فقدان الخشوع في الصلاة. وكما تعلمون ما من داء إلا وأنزل الله له دواء، كما قال عليه الصلاة والسلام: علمه من علمه وجهله من جهله. فما هو علاج هذا الداء وهذا المرض الذي كلنا نشتكي منه ولا أحد منا يستطيع أن يدعي لنفسه الكمال؟ فالكمال لله سبحانه وتعالى. كلنا نشتكي من هذا المرض، فما هو العلاج وما هو الشفاء؟ هذا ما سنذكره أو نذكر بعضه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الشفاء وارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. C'est donc la description d'une maladie qui est le fait de ne pas être humble et ne pas connaître le recueillement dans sa prière. Ceci est une maladie, et à toute maladie il y a un remède sauf la mort, comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم: en prend connaissance celui qui le connaît et l'ignore celui qui l'ignore. C'est-à-dire, toute maladie en dehors de la mort, il y a un remède à cette maladie. Et le fait que des maladies existent à notre époque pour lesquelles il n'y a pas de remède, cela ne veut pas dire que ce remède n'existe pas, mais c'est qu'il est inconnu de l'être humain au jour d'aujourd'hui. Mais le remède existe bel et bien. Quel est donc le remède à cette maladie qui nous touche tous? Nous sommes tous atteints de cette maladie, le fait de ne pas être concentré dans sa prière, de ne pas être humble dans celle-ci. Qui parmi nous pourrait prétendre la perfection? La perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons donc cité quelques remèdes qui ont été rapportés dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Awalan, ذكر الله عز وجل في سورة قاف بعد أن ذكر الآيات العظام، قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، لمن كان له قلب. من منا وهو حي ليس له قلب؟ كل حي إلا وله قلب. فما معنى قول الله عز وجل لمن كان له قلب؟ يعني لمن كان له قلب حي، لأن القلوب أو لأن القلب قلبان، قلب حي وقلب ميت، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فلا بد من حضور القلب وخضوعه وتدبره لما تقرأه أو لما تقرأه اللسان أو لما يقرأه اللسان، حتى يكون هذا القلب الحي متأثرا بآيات الله سبحانه وتعالى، أو ألقى السمع وهو شهيد. فلابد إذن أيضا من حضور السمع، فمن أنصت إنصاتا كاملا وحضر قلبه فإن هذا كله يورث الخشوع والطمأنينة في الصلاة. Premièrement, premier remède, c'est le remède qu'Allah Azza wa Jalla nous a cité dans Sourate Qaf. Après avoir cité les signes, les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après avoir répondu aux polythéistes sur leur réfutation du jour dernier et du fait qu'Allah Azza wa Jalla les ressuscitera après leur mort, Allah Azza wa Jalla a dit: il y a dans tout cela un rappel pour celui qui est doté d'un cœur et qui entend tout en étant témoin et qui écoute tout en étant témoin. Il y a dans cela un rappel pour quiconque a un cœur. Qui parmi les êtres vivants n'a pas de cœur? Nous avons tous un cœur. Les êtres humains vivants ont tous un cœur. Quel est donc, ou comment comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal qui a un cœur, c'est-à-dire qui a un cœur vivant, un cœur présent? Car les cœurs sont soit vivants, soit morts. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rappelle son Seigneur et celui qui ne se rappelle pas son Seigneur sont comparables aux vivants et aux morts. Pour connaître le recueillement dans ta prière, tu dois avoir un cœur vif, un cœur vivant, c'est-à-dire présent, un cœur qui est présent, qui écoute, qui médite les paroles lues par la langue. Et Allah Azza wa Jalla dit: « Aw alqa as-sam'a wa huwa shahid » et qui écoute tout en étant témoin. Tu dois aussi écouter attentivement la lecture de l'imam si tu pries en groupe, ou ta lecture à toi si tu pries seul. Tu dois être attentif à ce que tu lis. Et si tu ne connais pas l'arabe, comme c'est le cas de beaucoup parmi nous malheureusement, eh bien efforce-toi de lire souvent la traduction de ces versets, de ces sourates que lit l'imam ou que toi tu as l'habitude de lire. Lis la traduction afin de connaître au moins les sens approximatifs des paroles que tu prononces, car des paroles comprises n'ont pas les mêmes effets que des paroles incomprises. Des paroles que tu entends et dont tu comprends le sens ont un impact sur toi, impact qui n'existe pas lorsque tu entends des paroles dont tu ne comprends pas le sens. Le deuxième remède, والعلاج الثاني ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. عثمان بن أبي العاص كان يشتكي من عدم الخشوع في الصلاة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي وقراءتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم أيضا: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال يعني عثمان بن أبي العاص ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. إذن هذا علاج مجرب، هذا علاج نبوي مجرب، وهذه الاستعاذة تنفع صاحبه إذا تأمل معنى الاستعاذة. إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم فافهم معنى التعوذ، أنك تلتجي وأنك تحتمي بالله سبحانه وتعالى. Le deuxième remède, c'est le remède prophétique rapporté par Muslim dans son Sahih, selon Uthman ibn Abi al-As, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se plaignant de ne pas être concentré dans sa prière. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: « Oh envoyé d'Allah, le diable vient troubler ma prière et ma lecture. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: c'est un diable qui s'appelle Khinzab. Lorsque tu le ressens ou lorsque tu sens sa présence, demande la protection d'Allah contre lui et poustillonne à ta gauche à trois reprises. Et Uthman ibn Abi al-As a dit: j'ai fait ainsi et Allah subhanahu wa ta'ala l'a éloigné de moi. C'est donc un remède prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un remède testé et validé par Uthman ibn Abi al-As, qui a attesté qu'il a effectivement mis en pratique et usé de ce remède qui a été bénéfique pour lui. De demander la protection d'Allah. Lorsque tu demandes la protection d'Allah contre le diable, il faut savoir le sens de la demande de protection. Tu demandes à Allah de te protéger, de te préserver, et cette demande tu l'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, afin qu'il te préserve de la pire des créatures, de la plus misérable des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le diable. Lorsque tu prends connaissance de ses sens et lorsque tu demandes la protection d'Allah Azzawajal contre le diable en ayant à l'esprit toutes ses morales et tous ses sens, eh bien cette protection sera efficace et donnera les fruits espérés, et la promesse d'Allah Azzawajal sera tenue, comme il a dit Azzawajal: wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu هو السميع العليم وفي آية أخرى إنه سميع عليم. Allah Azza wa Jalla dit: et si le diable t'incite à faire un mal, eh bien demande la protection à Allah, car c'est lui qui entend tout et c'est lui qui voit tout. Allah Azza wa Jalla a donc fait la promesse d'éloigner du diable toute personne qui demanderait la protection d'Allah Azza wa Jalla contre celui-ci. والعلاج الثالث كذلك علاج نبوي، وهو حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه. جندب ابن عبد الله رضي الله عنه الذي يقول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجز، يعني أعطني موعدة أو موعظة وأوجز فيها. فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم بعظات جليلة كريمة، وقال له من ضمن ما قال: وإذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع، أي كأنها آخر صلاة، أي كأنها آخر صلاة. وقد سئل أحد السلف وهو حاتم الأصم رضي الله عنه ورحمه، قيل له: كيف تخشع في الصلاة؟ قال بأن أقوم وأكبر وأتخيل الكعبة أمامي والصراط تحتي أو تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت خلف ظهري وأظنها آخر صلاة فأكبر الله بتعظيم وأقرأ بتدبر وأركع بخضوع وأسجد بخشوع ثم أسلم ولا أدري هل قبلت مني أم لا. هكذا كان يصلي حاتم الأصم رحمه الله ورضي الله عنه. Le troisième remède est un remède également prophétique rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad selon Jundub ibn Abdillah رضي الله عنه. Il dit qu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé d'Allah, exhorte-moi et sois bref. Exhorte-moi tout en étant bref dans tes exhortations. Et le prophète alayhi salatu wa sallam l'a exhorté, et parmi les exhortations que lui a dirigé le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui a dit: et lorsque tu t'apprêtes à prier ou lorsque tu te lèves pour prier, prie la prière de l'adieu. Prie la prière de l'adieu. C'est-à-dire, considère cette prière comme la dernière des prières que tu accomplis dans cette vie d'ici-bas. Et Hatim al-Asam, parmi les salaf, rahimahullah, a été questionné: comment te concentres-tu dans ta prière? Comment connais-tu le recueillement dans ta prière? Il a répondu, rahimahullah: lorsque je me lève pour prier et que je fais le premier takbir, eh bien, je m'imagine la Kaaba en face de moi. J'imagine le pont sous mes pieds. J'imagine le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche. Et j'imagine l'ange de la mort derrière moi. Et je considère cette prière comme étant la dernière. Et lorsque je dis Allahu Akbar, je le dis tout en prenant conscience de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque je lis avec recueillement. Et lorsque je m'incline avec humilité. Et lorsque je me prosterne avec humilité également. Puis je salue en ne sachant pas si ma prière est acceptée ou non. Puis je salue en ne sachant pas si ma prière est acceptée ou non. رابعا التأمل في دعاء الاستفتاح وكذلك التدبر في القرآن تدبر القرآن في الصلاة وأمور أخرى بالنسبة للتأمل في دعاء الاستفتاح. فإن أدعية الاستفتاح جاءت بصفة كثيرة وكلها تشمل معاني التوحيد. لذلك من يتأمل أدعية الاستفتاح فإن ذلك يورث الخشوع في القلب. ومن الأدعية الواردة في السنة أن يقول المسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه من أدعية الاستفتاح التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالخصوص في صحيح مسلم. فمن قرأ هذا الدعاء بتأمل وتدبر فإن ذلك لا شك أنه يورث الخشوع. وكذلك التدبر عند قراءة القرآن، لأن القرآن فيه من الوعد والوعيد، وفيه من أخبار أحوال الموت وأخبار يوم القيامة وأحوال أهل النار وأهل الجنة وأخبار الأنبياء وما ابتلوا به من قبل قومهم من الطرد والتنكيل والتعذيب. كل ذلك من تدبر القرآن فإن ذلك لا شك أنه يورث الخشوع في القلب، لأن الله عز وجل قال عن هذا القرآن: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن لو أنزل على جبل جعله دكا، فكيف بعض القلوب لا تتحرك عند تلاوة كتاب الله؟ أهي أشد قسوة من الجبال، أم أنها لا ترعي ولا تتدبر هذه الآيات؟ Quatrièmement, il y a, ou le quatrième remède qui permet de connaître le recueillement dans la prière, c'est de méditer dans les invocations d'ouverture, qui sont nombreuses, qui sont plus de 11 différentes rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui les dit en méditant leur sens, cela, et, il n'y a aucun doute que cela créera une atmosphère d'humilité et de recueillement dans sa prière. Parmi ces invocations rapportées par Muslim dans son Sahih, le prophète dit: وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Je dirige mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre en étant musulman, et je ne fais pas partie des polythéistes. Ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, point d'associé à lui. Et c'est ce qui m'a été ordonné, et je fais partie des premiers des musulmans. Celui qui récite cette invocation en connaissant son sens, et bien cela va inculquer bien sûr le recueillement dans sa prière. Également de méditer dans les versets du Coran, ce Coran dont les versets parlent des versets qui mettent en garde, des versets qui annoncent des bonnes nouvelles, des versets qui parlent des moments qui précèdent la mort, des versets qui parlent des moments dans la tombe, des versets qui parlent de l'état des gens du paradis, de l'état des gens de l'enfer, des versets qui parlent, comme je l'ai dit, des prophètes et envoyés d'Allah Azzawajal, et de ce qu'ils ont subi de leur peuple, du mépris et voire même des oppressions dont ils ont été victimes. Car ce Coran a un effet inévitable et incontestable dans les cœurs, au point qu'Allah Azzawajal a dit: si nous avions révélé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu pulvérisé, humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala, et de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous donnons des métaphores et des images aux gens afin qu'ils réfléchissent. Certaines personnes, leur cœur ne bouge pas lorsque le Coran est lu. Cela signifie-t-il que leur cœur est plus dur qu'une montagne, ou cela est peut-être dû au fait qu'ils ne raisonnent pas, qu'ils ne méditent pas les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et lorsque tu récites Al-Fatiha, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala engage un dialogue avec toi, comme cela est rapporté dans un hadith authentique où le prophète alayhi salam a dit: Allah azza wa jal dit, lorsque son serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah azza wa jal dit: mon serviteur m'a loué. Et lorsque le serviteur dit Malik Yawmiddin, eh bien Allah Azza wa Jal dit: mon serviteur a fait mes éloges. Et lorsque le serviteur dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah Azza wa Jal dit: ceci est entre moi et mon serviteur, et j'accorde à mon serviteur ce qu'il a demandé, etc., etc., jusqu'à la fin de Surat Al-Fatiha. وكذلك إذا ركعت فافهم معنى الركوع وأنه تذلل لله عز وجل، وكذلك واعي معاني أدعية الركوع، ومنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي رواه مسلم. Également, lorsque tu t'inclines devant Allah Azza wa Jal, comprends le sens de l'inclinaison, à savoir que tu t'humilies devant Allah subhanahu wa ta'ala, et réfléchis également au sens de ces rappels que tu dis durant ton inclinaison, comme ce qui est rapporté dans le Sahih de Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son inclinaison, « Oh Allah, c'est pour toi que je m'incline, et c'est en toi que je crois, et c'est pour toi que je me soumets. Mon oui, ma vue, mon cerveau, mes nerfs, mes os sont humbles devant toi. » Celui qui dit cette invocation en comprenant l'essence de celle-ci, eh bien cela va inéluctablement lui accorder une humilité dans sa prière. Wa sabi'an wa bihi akhtim استحضار القرب من الله عز وجل في السجود فإن السجود موضع وموطن هو أخفض المواطن في الصلاة ولكنها أعظم درجة عند الله وهي أعلى درجات إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فإذا سجدت فاعلم أنك أقرب ما تكون إلى ربك وإلى خالقك سبحانه وتعالى. Et septièmement, le septième remède qui est, et par celui-ci je terminerai, le fait de ressentir, lorsque tu es prosterné, que tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette posture de la prosternation, les savants disent, c'est la posture la plus basse dans la prière. C'est dans ta prière le moment où tu es le plus bas, mais c'est l'un des piliers les plus importants de la prière. Et en étant dans cette posture, tu es le plus proche de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam, le moment dans lequel le serviteur est le plus proche d'Allah, c'est lorsqu'il est prosterné. Faites donc beaucoup d'invocations durant celui-ci ou pendant celui-ci. Faites donc beaucoup de prosternations pendant celui-ci. Sache donc, lorsque tu es prosterné, que tu es proche d'Allah Azza wa Jal, invoque-le en ayant conscience que tu es proche de lui, subhanahu wa ta'ala, et ceci, sans aucun doute, facilitera ta concentration dans ta prière. Et il y a bien sûr beaucoup d'autres remèdes qui permettent de guérir de cette maladie, qui est le fait de ne pas être concentré dans sa prière, comme le fait de regarder l'endroit où tu te prosternes, car ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je l'ai dit en ouverture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le maître des humbles et le maître de ceux qui se recueillent dans la prière, et lui sallallahu alayhi wa sallam regardait l'endroit où il allait se prosterner lorsqu'il était debout dans sa prière. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتهم وأن يرزقنا الخشوع والخضوع والتذلل له سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية مبلغنا ولا تسلط يا ربنا علينا من لا يرحمنا ولا يخافك ولا يتقيك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد